Yo yo, adieu HMEC, la résurrection, la renaissance, on revit. Et y'a plus de respect envers les vrais avant de livrer mon chez toi. J'ai ta crèche, mais on s'accroche, je crache au cache-gars. Plus de cache-colle pour couler une quiche, je suis pas craché le calage. Ne crois pas d'être un homme, si au fond de toi se cache à l'âge ta femme. Pour des kills et des kilos, t'es pas le killer le plus réputé. Même pour créer une pute, t'es pareil qu'ailleurs. Tous des hommes, c'est des ennemis, comme chez l'animal. Stop tes manies, la nuit où on va te faire mal à rate. C'est pas ce qu'il faut pour sauver la vie, non. T'as voulu me chercher pour nous dire, c'est que t'es bêtement grand. Façon Apache, tous je les lâche. La mise en place, crache, tout se cache, leur vrai visage. Façon Apache, tous je les lâche. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche, façon Apache, tous je les lâche. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche, façon Apache, tous je les lâche. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Parfois déçu, des autres et des autres déçus. Pas besoin de tes sens, des songes, le sens d'ici aussi. Pas besoin de mes sens, aussi de l'essence. Rural et traître, entre autres. Je traite qu'avec mes 5 du 9-5, même si on se vôtre. Trop d'autres, au cas à partir d'une adresse, on se casse. Ici, nous manque tous une grâce. On manie, manie le gun, comme tu manie, manie ton gun, comme laisse béton. Si tu veux pas finir sur le béton, des risques de béton, même si t'es une béton. Putra sec, tu sais qu'on n'a pas de joie. Vu le stade, on est depuis des années. Et au gars, dis que t'es pas mon ami. Façon à pas, tous, je les arrache. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Trop de choses que je regrette sincèrement. Du plus profond de moi-même, je suis loin d'être sain sûrement. Mais qu'est-ce que tu veux, jamais sois sûr, non. Des gens qui te veulent du bien et de ceux qui te veulent du mal. La vie est plus des lames. À l'instinct de l'animal, on m'animale. Les armes et les armes nous m'animal. Chacun son monument historique. Les têtes sont minémanes. Je vis dans le danger, danger. Choisis mes frères, c'est mes ennemis. Jusqu'à choisir, je crois que j'ai le bon. 250 j'ai, c'est rien contre la vie d'un frère. J'aurais pu finir dans un cimetière qui aurait dit c'est mon frère. Passe ma page, tous j'ai des arraches. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche et tu savais ce qui se passe en Algérie. Tu plomberais moi ici, ici. Les gars se prennent pour des boss parce qu'ils vivent dans une décision. Ici, sûr de toi que quand y'a tes potes, tu te la pètes. Adèle sur Mike de retour. Mise à la main, c'est bête. Bête comme tu es désormais pour moi qu'un mirage. Sur ta face, crache, espèce de lâche, t'aurais au virage. Légende, mon secteur, en fait de moi une légende. Et légende, j'pécho leur tendre. Femme, les flammes ont goûté si tu te vôtres. C'est que t'es pas des nôtres. Fils, si, si, si, c'est ventre. Façon à brache, tous, je les arrache. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche, façon à brache, tous, je les arrache. La mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche, façon à brache. Tous je les arrache, la mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache, la mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache, la mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache, la mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache, la mise en place, crache, tout ce qui cache, leur vrai visage. Lâche façon Apache, tous je les arrache, la mise en place, crache. Tout ce qui cache dans tes visages.